Le comité préparatoire jordanien pour le rendez-vous en l'honneur des Grands Hommes Actes Saints 2017 vient d'être constitué. Il a décidé d'organiser diverses cérémonies politico-culturelles à l'éloge des exploits mortels du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du dirigeant suprême Kim Jong-un à l'occasion du rendez-vous.